travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin. À 9h30, notre table de 5 convives était très gentiment repue et nous regardions arriver les envahisseurs, ceux qui s'attablent passé les 10 heures et qui malheureusement boivent avant de manger. Le touriste fastueux, le mystère français de la nourriture lui est encore sensible. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Là, les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Savions-nous que nous les aimions tellement? Au moment où nous sommes enfin à même de croire, sauf ultime accident, que les restaurants ont retrouvé leur place dans nos vies, au quotidien de nos bonheurs ordinaires, il s'imposait, m'a-t-il semblé, de leur rendre l'hommage d'un regard historique. Puisque soudain nous avons appris, hélas, qu'il pouvait advenir que nous soyons privés de leur présence chaleureuse, ils ne messiaient pas de rappeler que, dans notre beau pays de France, ils n'ont pas toujours existé. Rappelez même qu'on peut dater assez exactement l'apparition du principe du restaurant, tel que nous le connaissons dans les années 1770, peu avant la grande révolution qui leur conféra un premier et magnifique élan. Rappelez que le 19e siècle a porté leur essor parmi toutes les classes de la société et que nous sommes les héritiers de cette diffusion d'une pratique si bienvenue. Cet hommage à Antoine Debac, professeur à l'École normale supérieure, était fait pour le rendre à ce micro, puisqu'il a mérité la réputation d'un des meilleurs connaisseurs de la gastronomie française replacée dans la longue durée. Avec lui, nous allons redonner vie à de hauts personnages, tels entre autres Mathurin Rose de Chamoiseau, le premier restaurateur de notre histoire, Grimaud de la Reynière, le premier grand critique gastronomique, Antoine Carême, le premier cuisinier vedette, Brillat Savarin, le premier intellectuel de la table, Auguste Escoffier, enfin, qui propulsa la cuisine française dans la modernité. Tous ces parrains, en somme, du mouvement irrésistible qui a propulsé en 2010 à l'UNESCO le repas gastronomique français parmi le patrimoine culturel de l'humanité. Oui, oui, décidément, ces jours-ci, nous avons grand besoin de ce rappel qui devrait, je l'espère, si nous retrouvons une tonalité assez joyeuse parmi la morosité ambiante, vous donner l'eau à la bouche. La maison compte sur vous, messieurs. Le souper sera formidable. Pardon. Appelé par la confiance du patron à l'honneur de vous commander, je ne crois pas inutile de vous donner ici quelques conseils. Je vous en prie, chef, aidez-moi. Avant toute chose, il faut être mystérieux et réservé, et réservé. N'ayez jamais l'air de connaître ces messieurs quand vous les servez, vous les servez. Vous les servez. Si parfois au bras d'une actrice, un homme grave ici se glisse. Fermez les yeux, fermez les yeux. Ne gênons pas les amoureux, ne gênons pas les amoureux. Fermons les yeux. Fermons les yeux, ne gênons pas les amoureux, les amoureux. Fermons les yeux, fermons les yeux, fermons les yeux. Allez, fermez les yeux, mes enfants. Ah, maître d'hôtel. Monsieur. Approchez, il oui, me monsieur. Faudrait un cabinet. Un cabinet. Oui, un cabinet pour moi tout seul. Parce pour vous tout seul, avec oui. Une glace alors, ça sera plus gai. Hein? Non, sans glace, parce sans que glace. J'attends une personne. Ah, et oui. Qui est cette personne? Mademoiselle Mettez-la. Mademoiselle Mettez-la? Oui. Mais la v'là, monsieur, justement, la v'là, elle est là, oui. Oh, madame. Laissez-moi un instant. Mais qu'est-ce que vous avez? Oh, je viens de rencontrer un jeune homme. Un jeune homme? Oui, c'est très singulier, je me souviens l'avoir aimé à la folie et je ne peux pas me rappeler son nom. Oh! Oh, vous en entendrez bien d'autres. Vraiment? Mais nous sommes dans le restaurant à la mode, mon cher, et minuit vient de sonner, alors. D'ailleurs, je vous ai ménagé une surprise. Oui, je vous ai amené une amie. Une amie charmante qui ne demandera pas mieux que de souper avec vous. Oh, une amie. Frascatam l'a dit, ne te laisse jamais fourrer les amis. Taisez-vous, la voici. Oh, bonjour l'ami, bonjour. Vous êtes l'ami, vous voulez manger peut-être. Oh mon Dieu. N'ayez pas peur, vous mangerez. Merci, monsieur. Mais... Ah, Alfred, monsieur. 20 francs pour vous. Hein, tenez, il faudrait donner quelque chose à cette pauvre femme, quelque chose de nourrissant. Des tripes à la mayonnaise. Oh, c'est un peu lourd. Oh. C'est bon? Oui, après tout ce qu'elle voudra, hein. Oh. En attendant, voulez-vous entrer dans le cabinet numéro 3? Ah, oh, qu'est-ce que c'est? C'est le cabinet des femmes du monde. Oh. Antoine de Bac, bonjour. Bonjour. Vous avez, j'en suis sûr, reconnu cet extrait de l'acte 4, scène 1 de la vie parisienne de Jacques Offenbach sur un livret d'Henri Meillac et Ludovic Halévy. Je vous ai proposé l'interprétation de la compagnie Renaud Barreau, elle est restée fameuse, 1967, avec Suzy Delair dans le rôle de Métella, et puis aussi Pierre Bertin et Jean Paredes. J'ai pensé qu'en allant vers le Second Empire, c'est-à-dire au milieu de ce 19e siècle qui a en quelque sorte incarné toutes les découvertes du 18e, je pourrais convenir à votre réflexion. C'est vrai que c'est un bon choix, que le Second Empire est un peu à l'apogée de la nuit parisienne et notamment de la place du restaurant dans la civilisation française. C'est un lieu à la mode, comme il l'est dit dans ce moment, et c'est vrai que on vient du monde entier pour goûter les plats du restaurant. C'est le moment peut-être où la réputation comme ça parisienne est la plus à la fois sulfureuse et gourmette. Ne dissimulons pas que nous allons concentrer beaucoup notre attention au cours de l'heure qui s'ouvre sur le cas de Paris, pour la raison que vous venez de manifester, le centre du monde aux yeux de beaucoup. Ce mot de restaurant, commençons par là. Il remonte en fait au début du 19e siècle. Restaurateur est plus ancien. Allez à l'origine si vous voulez bien. Alors c'est un mot qui est une enseigne en fait, qui est marquée comme ça au-dessus de ces espaces, de ces endroits typiquement parisiens et qui, d'après ce qu'on a pu reconstituer, hein, des témoignages d'époque de la fin du 18e, vient d'un verset biblique. « Venez à moi, vous dont l'estomac souffre. » Saint Matthieu. « Je vous restaurerai. » Et ce « je vous restaurerai » est placé sur l'enseigne d'un premier établissement près du Palais Royal, près du Louvre, rue des Poulies. Et ce mot de restaurant désigne à l'époque le plat. Hein. Bon, très vite, le terme va s'émanciper du restaurant comme plat. On va passer au restaurant comme lieu et plus encore au restaurateur comme celui qui invite ou plutôt reçoit à sa table moyennant espèces sonnantes et trébuchantes. On peut être étonné de découvrir qu'il est loisible de désigner le moment même où apparaîtrait le principe du restaurant, le premier restaurant, en saluant son maître. Voilà, Mathurin Rose de Chantoiseau, on est relativement bien informé sur cet homme pourtant resté largement anonyme, hein, qui a disparu d'ailleurs au début du 19e siècle dans la misère. Un dernier hommage lui est rendu par Brillat Savarin, qui est le premier à placer Chantoiseau à l'origine de cet établissement si important qu'est le restaurant. Donc on peut expliquer à la fois pourquoi Chantoiseau est célèbre et inconnu. Célèbre parce qu'il donne naissance au restaurant et inconnu parce que très vite, son premier restaurant va disparaître et son nom va être oublié. C'était un économiste, en tout cas un physiocrate qui s'intéressait à la circulation des richesses. C'est aussi pour ça, sans doute, que son nom n'est pas resté, parce que ce n'est pas un restaurateur, ce n'est pas un cuisinier, ce n'est pas un chef. Il est plutôt visionnaire sur la nécessité à la fois de bien manger ou de mieux manger dans une ville comme Paris au milieu du 18e siècle. Hein. Il faut pas oublier que Brillat Savarin, par exemple, parlera d'un déficit du bien manger à Paris. Oui, il dit « les étrangers n'avaient encore à Paris que peu de ressources sous le rapport de la bonne chère, de sorte que ceux qui n'avaient pas le bonheur d'être invités dans quelques maisons patriciennes quittaient la grande ville sans connaître les ressources et les délices de la cuisine parisienne. » En fait, ce même Brillat Savarin porte le constat que, hors de la table des princes, on ne peut pas être comblé. Il y a quoi ? Est-ce qu'il y a à l'époque les auberges, dit-il, dont la cuisine était généralement mauvaise, les hôtels avec une table d'hôte qui n'offrait que le strict nécessaire et avait de plus une heure fixe, une heure fixe, les tavernes et les cafés, qui ne pensaient qu'à faire boire du vin trop neuf à des tables où tous sont mêlés, ça c'est important, les traiteurs qui ne livraient que des pièces entières. Vous allez avoir le goût, j'imagine, de commenter cette liste. Oui, c'est sûr que c'est en constatant ce manque, en constatant aussi, je dirais, la mauvaise réputation de tous ces établissements, que Rose de Chantoiseau a l'idée d'ouvrir un nouveau lieu qui est tout à fait symptomatique de ce moment. C'est-à-dire cette idée de, et ce n'est pas pour rien qu'il est un physiocrate, cette idée de faire circuler, de briser les corporations, les privilèges, de permettre quelque chose qui est interdit par les règlements. On est dans ce moment où voilà, les physiocrates, au niveau économique, veulent faire un petit peu fluidifier la société. Et une manière de fluidifier la société pour Rose de Chantoiseau, c'est de permettre à quiconque, c'est-à-dire de s'émanciper, dirais, des règlements qui permettent à ou autorisent le rôtisseur à faire telle chose, la table d'hôte à servir à telle heure, voilà, tous ces règlements, s'en émanciper pour ouvrir un lieu qu'on pourrait appeler un lieu à la fois de restauration et un lieu de liberté. La liberté, c'est de pouvoir venir à l'heure qu'on veut, en respectant, disons, les convenances, bien sûr, de pouvoir s'asseoir à la table qu'on veut et avec qui l'on veut, c'est-à-dire de s'émanciper de la table commune, et puis, d'autre part, de pouvoir choisir dans un menu un plat dont on connaît le prix et qui va pouvoir vous restaurer avec plaisir. Donc c'est à la fois une émancipation du système princier qui réserve aux grands du royaume les cuisiniers et le fait de bien manger à Paris, comme l'a constaté Bria Savarin, et c'est aussi une manière de contester les privilèges. Voilà, comment est-ce qu'on mange à Paris à la fin du XVIIIe siècle, avant le restaurant? On peut aller acheter un bout de poulet chez un rôtisseur, mais le rôtisseur n'a pas le droit de vous faire asseoir, donc il faut l'emporter et le manger dans la rue, par exemple. C'est actuel, ça. C'est tout à fait actuel. Mais sinon, si on est dans une table d'hôte, effectivement, on est dans une table commune, donc on ne choisit pas ses voisins. D'autre part, on ne choisit pas son menu. Voilà, il y a un menu fixe. Et enfin, si on ne choisit pas non plus son horaire, voilà, il y a un horaire fixe. Donc tout cela, d'une certaine manière, Rose de Chantoiseau l'envoie valser, en ouvrant, en faisant alliance avec un cuisinier qui s'appelle Pontillier. Saluant. Voilà, c'est lui en fait le premier chef restaurateur. Hommage à Pontillier. Qui a un certain nombre de spécialités, notamment un célèbre plat de volaille avec œufs frais et bouillon, avec cette idée de pouvoir avoir une table individuelle. C'est vraiment ça qui est l'emblème du restaurant. S'asseoir à sa table, discuter avec qui l'on veut de ce que l'on est en train de manger et choisir sur un menu le plat qui vous fait plaisir. Vous mettez bien en lumière une double rupture. Jusque-là, il fallait aller à des tables privées. En effet, les grands seigneurs, ça peut être caricaturé, par exemple, par Boileau dans sa fameuse satire « Le repas ridicule ». Là, c'est un bourgeois qui imite maladroitement le grand seigneur. Et puis, la lutte, on est en plein moment des corporations, avec d'autres professions qui se plaignent de l'apparition de cette concurrence. Et c'est là qu'on trouve ce très intéressant procès de la sauce poulette. Oui, la sauce poulette, c'est le marqueur du succès du restaurant. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, les rôtisseurs sont évidemment furieux quand ils voient à la fois l'ouverture de ce premier restaurant, rue des Poulies. Rue du Louvre aujourd'hui. Et puis, le succès, surtout, de ce restaurant. On en a des témoignages. Par exemple, Diderot raconte comment il est ravi d'aller au restaurant et d'être tout seul à sa table, de pouvoir discuter avec la serveuse, de pouvoir déguster ses plats, ou Rétif de la Bretonne. Et donc, voilà. le restaurant connaît un grand succès et ce lieu particulier. Et donc, pour contrer l'ouverture de ce lieu à la mode, les rôtisseurs décident de faire un procès. Et ça monte jusqu'au plus haut niveau juridique de l'époque, c'est-à-dire le Parlement de Paris, qui va devoir statuer sur un point particulier. Les rôtisseurs ont l'intelligence d'attaquer sur un privilège particulier qui est la nature de la sauce. Cette sauce poulette, c'est une sauce au jaune d'œuf, champignons, jus de citron, persil. Mais il s'agit en fait non pas de discuter de la recette, hein, mais de discuter de la nature de cette sauce. Est-ce que cette sauce est une sorte de ragoût, c'est-à-dire que la nourriture est cuite dans cette sauce et à ce moment-là, ce nouveau lieu enfreindrait un règlement qui réserve le ragoût aux rôtisseurs? Ou est-ce que c'est un nappage? Alors un nappage, c'est-à-dire une sorte de sauce qui agrémente un mets plus qu'elle ne le cuit. Cuisson, donc. Quoi. Voilà. Et le Parlement discute très sérieusement, hein, pendant plusieurs heures, de savoir de la nature de cette sauce et finit par décider qu'il s'agit d'un nappage. C'est d'ailleurs assez contestable au niveau culinaire, hein, mais cette décision à l'automne 1766 va consacrer le restaurant au sens où, puisque c'est un nappage, les rôtisseurs sont déboutés et cette sauce poulette devient un véritable must de l'époque. On dit que Louis XV s'est fait servir cette sauce poulette à Versailles pour pouvoir goûter à ce dont tout le monde parle à l'époque. Cette sauce, en somme, est un tournant, si j'ose cette formule un peu audacieuse. C'est un paradoxe. À la fois, cela consacre Rose de Chantoiseau et son restaurant, et en même temps, c'est le début de la fin. C'est-à-dire, très vite, au bout de quelques mois, le succès ne va pas être très bien géré par Rose de Chantoiseau, qui est un économiste plutôt théoricien que praticien, et l'établissement va fermer un an plus tard. Mais par contre, ce que cela consacre, c'est vraiment la diffusion et l'efflorescence du principe du restaurant. Voilà, désormais, ce principe a été reconnu par cet arrêt du Parlement et un certain nombre de cuisiniers très réputés vont ouvrir leur propre établissement. 2 ans plus tard, en 1771, le dictionnaire de Trévoux accueille le mot de restaurateur. C'est vrai que, on a quelque chose qui est consacré par la langue, hein, qui est consacré par le mot. C'est un phénomène très, très important. C'est-à-dire que c'est à la fois une sorte de laboratoire social, ce nouveau lieu. Et puis, c'est aussi une évolution, presque une révolution dans la manière de parler. Tout d'un coup, on commence à parler avec une langue spécifique. Avec un vocabulaire qui s'invente, avec des concepts qui sont défendus, on commence à parler sérieusement, ou je dirais, pour prendre le mot de l'époque, philosophiquement, de ce qu'on mange, de ce qu'on a dans son assiette. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel, et c'est ce qu'on appelle la naissance de la gastronomie. Qui remplace la gastrologie. Oui, la gastrologie, c'est cette manière, je dirais, un peu idolâtre de parler de la nourriture, parce que il y a une grande suspicion sur cela. Est-ce que la langue philosophique peut véritablement se dégrader, pour certains, jusqu'à parler de choses aussi futiles et aussi légitimes que la manière de manger, de cuisiner, il y a une grande interrogation et des grandes polémiques, très importantes, contre ce qui s'appelle, c'est évidemment un clin d'œil amusant, la nouvelle cuisine. Il y a dans les années 1760 tout un débat sur la manière de cuisiner, une sorte de simplification de la cuisine. Hein. 2 siècles avant l'apparition de la nouvelle cuisine. De notre nouvelle cuisine, effectivement. Et ce débat, il est au plus haut niveau. Dans l'encyclopédie, on trouve des positions qui sont très caustiques, sarcastiques, contre ces presque ces précieux qui veulent légitimer cette pratique nouvelle en employant un langage inadéquat. Oui, si on ouvre l'entrée cuisine du chevalier de Jaucourt, c'est très carré Voltaire aussi aimé faire. Mais Diderot, en revanche, Diderot... Alors, Diderot est ambivalent, parce que Diderot est ambivalent entre ce qu'il écrit et son ventre. Diderot adore les restaurants. Il va être il l'écrit à Sophie Volant. Il aime être dans ce lieu, à la fois parce qu'il aime manger, et puis surtout il aime cette ambiance. Il aime être à une table, il aime discuter de ce qu'il mange, il aime la compagnie d'une jeune femme à ce moment-là. La belle hôtesse, dit-il, ne vient jamais causer avec les restaurés, elle est trop honnête et trop décente pour cela, mais ces restaurés vont causer avec elle tant qu'il leur plaît. J'éprouve pour ce lieu un goût infini. On y sert bien un peu chèrement, mais à l'heure qu'on veut, etc., etc. Absolument. Donc Diderot est vraiment pris dans cette contradiction, c'est-à-dire qu'il adore ce lieu, il adore manger, et en même temps, il est effectivement très circonspect sur l'idée même de pouvoir dépasser, je dirais, la simple conversation de table pour que la langue gastronomique devienne une véritable langue à la fois autonome, légitime et philosophique. De cela, je crois, peut témoigner assez bien l'archive que je vais vous faire entendre. C'est un extrait de La physiologie du goût de Brillat-Savarin. C'est une lecture de Jean-François Revel, qui aimait la bonne chère. Dans le livre de chevet sur France Culture, le 7 mars 1968, vous allez voir cette hiérarchie sociale qui n'est pas sans intérêt. Voici maintenant un texte que Brillat-Savarin intitule « Les éprouvettes gastronomiques ». Nous entendons, dit-il, par éprouvettes gastronomiques, des mets d'une saveur reconnue et d'une excellence tellement indisputable que leur apparition seule doit émouvoir, chez un homme bien organisé, toutes les puissances dégustatrices. Et il donne trois menus types, considérés comme éprouvettes gastronomiques, et surtout suivi du compliment, de la phrase que l'invité doit prononcer à cette occasion. Éprouvette gastronomique, première série. Revenu présumé, 5000 francs. Médiocrité. Une forte rouelle de veau piquée de gros lard et cuite dans son jus. Un dindon de ferme farci de marrons de Lyon. Des pigeons de volière gras bardés et cuits à propos. Des œufs à la neige. Un plat de choucroute hérissé de saucisses et couronné de lard fumé de Strasbourg. Expression « Peste, voilà qui a bonne mine. Allons, il faut y faire honneur. » Deuxième série, revenu présumé 15 000 francs, aisance. Un filet de bœuf à cœur rose piqué et cuit dans son jus. Un quartier de chevreuil sauce hachée au cornichon. Un turbot naturel. Un gigot de prés salé à la provençale. Un dindon truffé. Des petits pois en primeur. Expression « Ah, mon ami, quelle aimable apparition! Il y a vraiment nopes et festins. Pour que cette phrase soit convenablement articulée, il faut faire sentir le P. » Troisième série, revenu présumé 30 000 francs et plus, richesse. Une pièce de volaille de 7 livres bourrée de truffes du Périgord jusqu'à sa conversion en sphéroïde. Un énorme pâté de foie gras de Strasbourg ayant forme de bastion. Une grosse carpe du Rhin à Chambord, richement dotée et parée, des cailles truffées à la moelle, étendues sur des toasts beurrés au basilic, un brochet de rivière piqué, farci et baigné d'une crème d'écrevisse, secundum artem, un faisan à son poing, piqué au toupet, gisant sur une rôtie travaillée à la Sainte Alliance, 100 asperges de 5 à 6 lignes de diamètre en primeur, 2 douzaines d'ortolans à la provençale, une pyramide de meringue à la vanille. Expression « Ah, monseigneur, que votre cuisinier est un homme admirable. On ne rencontre ces choses-là que chez vous. » Nous sommes avant 10h30, il est un peu tôt pour aiguiser le goût pour le déjeuner, mais néanmoins, nous y contribuons, n'est-ce pas, Antoine Debac ? Brillat-Savarin, oui, il contribue de manière magistrale dans sa physiologie du goût, qui est un petit peu la consécration de cette langue nouvelle de la gastronomie. Brillat-Savarin est un philosophe, il lui donne une véritable légitimité. Et ce que je trouve intéressant dans l'extrait que vous avez choisi, c'est le à la fois ce terme d'éprouvette qui renvoie, je dirais, à ce qu'on éprouve, c'est-à-dire à la physiologie, aux sentiments, au goût. Mais aussi à la science. Mais aussi à la science. Les éprouvettes, ce sont les instruments de la science, de la chimie. Et il y a chez Brillat-Savarin cette ambition de comparer la gastronomie à une véritable science nouvelle qui, comme il l'explique, permet de classer la société. C'est une véritable taxinomie. On est dans un moment où tous les classements possibles sont accueillis dans une manière de regarder scientifiquement la société. Et on veut regarder scientifiquement ce nouvel art de la gastronomie. Donc il y a chez Brillat-Savarin ou d'autres, évidemment, comme le premier grand critique gastronomique Grimaud de la Reynière, à la fois une sorte d'invention lexicale tous azimuts, et d'autre part une sorte de rigueur relativement scientifique, je dirais un petit peu pseudo-scientifique évidemment, mais qui témoigne vraiment de cette volonté de légitimer l'art de la conversation culinaire. Brillat-Savarin et Grimaud de la Reynière sont tous les deux nés un peu après le mi-temps du XVIIIe siècle et ont vécu jusqu'au premier tiers du XIXe. Et ils sont donc dans la génération ultérieure par rapport aux fondateurs du restaurant. Mais ils nous renseignent beaucoup sur ce qui s'est passé au moment de la Révolution. Et je voudrais que nous arrêtions un instant sur ce moment qui a été fondamental dans l'histoire de la gastronomie française. C'est un moment très important parce que tout d'un coup se recoupe une vision à la fois sociale de ce lieu nouveau qu'est le restaurant, mais aussi l'idée véritablement d'une civilisation du restaurant et d'une forme évidemment de politisation de ce lieu. Donc la Révolution est un vrai élan dans l'histoire des restaurants. C'est un peu paradoxal, et d'ailleurs le paradoxe, c'est que Grimaud de la Reynière est très hostile à la Révolution. C'est un aristocrate. Brillat-Savarin aussi sera très hostile à la Révolution. Mais ils le reconnaissent sans le reconnaître tout à fait. Ils parlent de barbarie, de régression. C'est un lexique assez convenu pour parler de la Révolution, de la contre-révolution précisément. Mais ils reconnaissent évidemment cet essor. On passe de quelques établissements dans le milieu des années 1700 80 à près de 600 restaurants au début du 19e siècle. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer la place de la Révolution? A priori, la Révolution, elle devrait être assez hostile à cette pratique qui vient, je dirais, des aristocrates, de bien manger, une pratique aussi très élitiste, alors que le discours révolutionnaire va plutôt vers ceux qui ont faim que vers ceux qui ont envie de bien manger. C'est la rhétorique révolutionnaire. Et pourtant, il y a plusieurs phénomènes qui expliquent l'essor révolutionnaire du restaurant. Il y a d'abord un phénomène social, avec la disparition de tous les employeurs principaux des cuisiniers, c'est-à-dire les grands du royaume, les princes, les grands aristocrates. Il faut savoir que soit ils sont en fuite, en émigration, soit ils sont restés et ils sont contraints à faire profil bas, évidemment. Les cuisiniers de ces princes vont se retrouver sur le marché et beaucoup vont ouvrir leur propre restaurant. Et ce qui est intéressant, c'est que toute cette génération de grands restaurateurs, les Beauvilliers, les Méaux, les Robert, viennent tous, ou même Carême, viennent tous de cette formation auprès de l'élite aristocratique. Beauvilliers était le cuisinier du comte de Provence, du futur Louis XVIII. C'est lui qui ouvre la grande taverne de Londres. C'est paradoxal, mais à l'époque, il y a une anglomanie même dans le domaine de la gastronomie. Les choses se renverseront après. On n'aurait pas tellement l'idée de faire allusion au XIXe siècle à Londres, pour faire un exemple. On fait allusion à Londres pour Beauvilliers quand il ouvre son établissement en 1788, parce que le lieu où on mange bien au milieu du XVIIIe siècle, paradoxalement, c'est l'Angleterre, c'est Londres. Il y a justement ce système de taverne anglaise où il y a des chefs très réputés. Et l'histoire du restaurant parisien, c'est aussi l'histoire d'un basculement géographique. On passe de la capitale gastronomique de Londres à Paris. C'était une véritable révolution à l'échelle internationale. Et les Anglais sont les premiers, un peu dépités d'ailleurs, à le constater. Et en pleine révolution. Donc il y a quelque chose qui est très choquant hein, pour les grands chefs anglais de voir la montée en puissance des grands chefs parisiens. Et donc la Grande Taverne de Londres, c'est une allusion d'une part à le lieu de formation de Beauvilliers hein, qui a été en Angleterre pour se former. C'est le premier grand chef. C'est le premier grand restaurant parisien, Beauvilliers. Chez Beauvilliers, la Grande Taverne de Londres au Palais Royal, ouvert en 1788 et qui va traverser avec plus ou moins de bonheur la Révolution. Beauvilliers est un personnage vraiment intéressant au sens où il est... Je l'appelle une sorte d'ambianceur. Hein. C'est vraiment lui qui endosse cette publicité du chef, hein, du cuisinier, qui attire sur son nom et par sa présence, qui commente les plats qu'il amène et qui a un menu. La réputation de Beauvilliers, c'est d'avoir plus de 200 plats à sa carte. Hein. Et donc son lieu est un lieu extrêmement luxueux, un hôtel particulier. Il est vraiment celui qui va transférer les pratiques des élites aristocratiques vers les pratiques des nouvelles élites bourgeoises, et c'est ça la révolution, hein. C'est une sorte de démocratisation du luxe, démocratisation évidemment partielle. Moi j'appellerais ça un suffrage censitaire de l'estomac. Voilà, on passe de quelques princes à l'élite des notables bourgeois, puis impériaux de la société parisienne qui vont faire la réputation de ces lieux, venir s'y trouver le plaisir gastronomique. Et donc c'est un premier élément, le restaurant est un véritable laboratoire social, mais c'est aussi un laboratoire politique. C'est ça qui est intéressant et peut-être le plus paradoxal. Il y a un goût de la classe politique nouvelle pour ce nouveau lieu qu'est le restaurant. On peut dire même qu'une bonne part des horaires de l'Assemblée nationale, hein, quand elle s'installe à Paris, va déterminer les heures d'ouverture des restaurants. Les restaurants sont très proches. Hein. Le nouveau pouvoir politique, il est aux Tuileries avec l'Assemblée. Et autour, au Palais Royal, c'est là, c'est dans le Palais Royal et autour du Palais Royal que s'établissent tous ces premiers restaurants. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Cette période, c'est aussi celle de la terreur, et sous la plume de ce grand observateur, ce grand écrivain que fut Louis-Sébastien Mercier, nous y avions consacré une émission naguère, on trouve un humour assez macabre. Il explique que la terreur fut ce temps où, après l'office des bourreaux, venait celui des marmitons. Tous les excès se touchent, jamais l'on ne vit plus de propension à la gourmandise que dans ces jours de calamité et d'horreur. J'en atteste les 6 prisons où j'ai été plongé. Les aristocrates se faisaient apporter des plats, même dans les prisons, avant la lecture sinistre de la liste de ceux qui allaient être guillotinés. Effectivement, on a certaines traces de cette volonté, jusqu'au bout de l'existence, comme ça, de pouvoir jouir du plaisir de la table. Avec des restaurants clandestins, par exemple. Beauvilliers avait été obligé de fermer. Hein, Encore une actualité. Et Beauvilliers va servir chez des particuliers, à certains moments, un certain nombre de ses spécialités, notamment ses célèbres potages à la Beauvilliers. Donc la terreur est un moment à la fois où... de surveillance et où tout est un petit peu figé, et en même temps c'est un lieu où certains restaurants sont encore très à la mode et vont notamment accueillir le personnel politique, hein. Robespierre adorait recevoir à sa table chez Méot au Palais Royal pour préparer les séances futures de la Convention. Sur ce modèle, je dirais, de ce nouveau personnel politique, le restaurant est un petit peu l'antichambre de l'Assemblée nationale. Et c'est évidemment quelque chose qui restera dans l'histoire française. Vous parlez du Palais Royal, c'est pour un temps. Aujourd'hui, on a peine à le croire quand on voit le caractère assez aimablement endormi du lieu. Charmant, mais un peu hors des passions du temps. À l'époque, c'est vraiment le centre de toute chose dans l'ordre du politique et du gastronomique. Et de la vie mondaine. Le Palais Royal est vraiment, depuis que le duc d'Orléans a ouvert les galeries au public, le Palais Royal est un lieu qui appartient au duc d'Orléans. Il a ouvert avant la Révolution, les galeries au public. C'est un lieu d'effervescence où il faut être vu, où on joue énormément, où on voit les curiosités du temps, on va dans les boutiques et bon, il y a aussi les prostituées, hein, c'est un lieu important avec énormément de... Le cœur, je dirais, sexuel de Paris est aussi au Palais Royal. Cuisine et érotisme. Absolument, on est dans ce lien très fort qui est très sensible quand on lit les textes de Grimaud ou de Brillat. Et que Offenbach évoquait à sa manière tout à l'heure. Quelque chose de très sensuel, évidemment. Et le Palais Royal est le lieu de la sensualité, et donc le lieu des restaurants, et le meilleur guide pour parcourir ce palais royal de la gastronomie, hein, c'est Grimaud de la Reynière qui a écrit des promenades gastronomiques, un itinéraire nutritif qui nous promène à travers les grandes adresses du palais royal chez Véry, Beauvilliers, Méot, Robert, les trois frères provençaux, Le Gac, ou alors la spécialité aussi du palais royal, ce sont les épiceries, hein, ce qu'on appelle à l'époque les marchands de comestibles chez Irmand, chez Corcelet. Il y a des descriptions absolument magnifiques de tout ce que l'on trouve au Palais Royal pour contenter son goût gastronomique, sans parler évidemment des grands cafés, hein, le café de Foix, le café Corazza, et jusqu'à l'aboutissement, là c'est Mercier qui raconte comment un industriel malin va faire fortune en ouvrant les latrines du Palais Royal, puisque voilà, c'est évidemment l'aboutissement de tout cela, c'est aussi de ce grand ventre, qu'est le Palais Royal, hein. C'est la latrine, et cet homme va faire fortune au moment de la Révolution en construisant des magnifiques latrines. Rien ne nous sera épargné. Alors le 19e siècle, il faut y venir, Antoine de Bac, c'est celui de cette mutation du Palais Royal vers le nord, et c'est celui, nous y reviendrons, les grands boulevards, on le voit chez Balzac, mais c'est aussi celui de l'apparition d'un très grand cuisinier, qui est au fond emblématique de toute une époque, et j'ai promis que nous en parlerions, c'est Antonin Carême, inventeur vraiment de la grande cuisine. Écoutez cet extrait d'un texte de Lady Morgan, qui était une romancière irlandaise très à la mode à l'époque, dans La France, son livre qui s'appelle La France. C'est un extrait de l'émission qui a eu beaucoup de succès, de René Elkaïm Bollinger, de bouche à oreille sur France Culture, le 23 mars 2003. La salle à manger avait été transportée au milieu des orangers, dans un joli pavillon oblong en marbre blanc, où l'air était rafraîchi par le voisinage de petites fontaines qui lançaient une eau pure et brillante. La table, servie en ambigu, était couverte au milieu par un dessert d'une admirable élégance. Les entrées se plaçaient en cercle autour de ce beau dessert. L'ordonnance et le dîner, tout décelait Carême. C'était sa brillante variété, sa mesure parfaite. Plus d'épices anglaises, plus de jus noir, au contraire, de fines saveurs et le parfum des truffes. On aurait pu se croire au mois de janvier. Les végétaux avaient encore les teintes de la vie. La mayonnaise semblait avoir été fricassée dans la neige, comme le cœur de Madame de Sévigné. La plombière, avec sa douce fraîcheur et le goût de ses fruits, remplaçait notre fade soufflet anglais. Monsieur de Rothschild me dit en souriant « Carême aussi vous rend justice. Il a goûté vos écrits. Voyez. » Et je lus mon nom, tout près de moi, sur une colonne en sucre. Parlez-nous de Carême, Antoine de Bac. Il a vécu entre 1784 et 1833. Il est mort jeune, pas à peine 50 ans. Oui, il est mort avant 50 ans. Il a beaucoup compté. On peut dire que c'est le premier chef de l'histoire du restaurant au sens moderne de ce que cela suppose à la fois de formation. Carême est un grand pâtissier de formation. C'est aussi un autodidacte, donc on est dans quelque chose qui est intéressant. C'est un enfant de la rue qui est abandonné à Paris et qui va se former véritablement à la pâtisserie avec un goût, une rigueur intellectuelle très très puissante. Il apprend son métier de pâtissier et en même temps il va à la bibliothèque, l'ancienne bibliothèque royale, la bibliothèque nationale, pour étudier notamment l'architecture, Palladio, les grandes constructions, les temples, pour pouvoir les imiter. De la colonne de sucre. Voilà, la colonne de sucre, Lady Morgan, c'est vraiment la spécialité de Carême. C'est un monde où on connaît beaucoup de promotions sociales, à l'époque et encore aujourd'hui. Oui, oui, oui. C'est vraiment une des choses très importantes sur Carême et sur beaucoup de ces grands chefs qui vont fonder des véritables dynasties. Et par ailleurs aussi, Carême, ce qui le caractérise, c'est le fait qu'il est lui-même un écrivain. Il est aussi une sorte de théoricien et son grand œuvre, L'art de la cuisine française, est à la fois un traité de recettes, mais aussi un livre véritablement écrit de manière très classique et un livre philosophique. Et donc, il allie comme ça ses vertus que sont la théorie et la pratique. Et c'est en cela qu'il est vraiment le chef dont l'emblème est évidemment la toque. C'est lui qui invente la toque. Jusqu'alors, les cuisiniers avaient une sorte de couvre-chef, de bonnet. Et tout d'un coup, il... comme un symbole du temple, il rigidifie le bonnet en toque en lui adjoignant comme ça un morceau de carton. Et voilà le premier chef qui est couronné par la toque blanche. Et ça, Carême va avoir un rôle très important pour codifier, pour légitimer la cuisine et aussi un rôle politique auprès de Talleyrand, puis de l'empereur. Talleyrand était fameux, évidemment, pour la qualité de sa table. C'était un instrument diplomatique pour lui. Talleyrand a très bien compris l'influence que le bien manger pouvait avoir sur les négociations d'un traité. Et c'est vrai qu'au congrès de Vienne, il arrive avec Carême, qui va, on peut le dire, préserver une part des avantages ou des intérêts, disons, de la France par la qualité de sa cuisine. Les Français sont les perdants et pourtant... ils ne sont pas tout à fait perdants, finalement, dans les clauses du traité de Vienne, grâce à la politique diplomatique, la gastronomie diplomatique à la Carême. Oui. C'est un grand sujet, cuisine et diplomatie, il faudra qu'un jour nous nous en saisissions ici. Je reviens en tout cas au temps de Carême, c'est-à-dire cette première moitié du 19e siècle. C'est le moment aussi où on voit s'établir ce qu'on pourrait appeler une politesse gourmande au restaurant. J'aimerais que vous vous y attardiez un instant, Antoine de Bac. Oui, les rites qui sont ceux du restaurant, les habitudes, les mœurs se codifient de façon très précise avec un certain nombre d'évolutions, des évolutions sur le moment, l'heure à laquelle on mange, mais il y a aussi des évolutions très concrète de mobilier. Là, c'est le moment de la grandeur de la salle à manger qui va avoir des conséquences dans les mœurs quotidiennes, mais aussi c'est ce moment où les restaurants vont changer de service, c'est-à-dire de la manière dont on accueille les plats, dont se déroule le repas change. À l'époque, la tradition aristocratique des princes, je dirais pour l'apparat, le luxe, c'est le service à la française. On amène tout sur la table, ou plutôt les convives découvrent tout sur la table en arrivant au repas, du début à la fin. Ce qui, pour le restaurant, a l'inconvénient, évidemment, de ne pas être possible par rapport à la dégustation individuelle, sur les tables individuelles. Et puis les plats refroidissent. Effectivement. C'est un Carême, par exemple, se plaint beaucoup de ce service à la française en disant que n'est pas possible de travailler dans ces conditions où le plat refroidit, où les saveurs se mêlent sans ordre, sans l'harmonie qui est nécessaire. Et donc, va s'imposer une autre tradition de service qui est ce qu'on appelle à l'époque le service à la russe, c'est-à-dire où les plats arrivent successivement sur la table, apportés chauds et dans un ordre précis. Parfois même dans les assiettes des convives. Ah oui, dans les assiettes des convives prédécoupées d'une certaine façon, en tout cas préparées par les chefs et leurs les cuisiniers et leurs commis. Donc on est vraiment dans une évolution qui est tout à fait caractéristique parce que elle est propre à ce lieu nouveau qu'est le restaurant. Les manuels enseignent aussi à la bourgeoisie montante la manière dont il faut se tenir dans un restaurant à table. Il ne faut pas manger la bouche ouverte, enfourner de trop grosses bouchées, mâcher et déglutir bruyamment, claquer la langue, boire sans avoir au préalable avalé et s'être essuyé la bouche. Il est interdit de lécher son assiette, d'en aspirer le contenu, de le flairer, de souffler sur un plat trop chaud et de saucer naturellement avec son pain l'assiette. Les mœurs de table, les habitudes, la bienséance de table accompagne ce mouvement du restaurant avec des contradictions entre les habitudes. Par exemple, en Angleterre, il faut mettre les mains sur les genoux entre les plats. En France, évidemment pas le coude sur la table, mais l'avant-bras. Ça va sans dire. À partir du poignet, doit rester visible. Et de même, la cuillère. En France, la bienséance veut qu'on absorbe son contenu par la pointe, alors qu'en Angleterre, c'est par le côté, par exemple. Vous n'apprenez rien à notre auditoire, naturellement. J'imagine. Je voudrais que nous évoquions maintenant, pour arriver au cœur du 19e siècle, Antoine de Bach, cette mutation vers les grands boulevards que décrit en particulier Balzac et d'autres, et qui renseigne aussi sur le caractère désormais plus populaire du restaurant. C'est un élément fondamental du 19e siècle par rapport aux décennies qui l'ont précédé. Il y a une grande mutation géographique où le Palais Royal, notamment avec l'interdiction, par exemple, des tripots en 1840, va perdre sa prédominance et c'est le grand boulevard, les grands boulevards, le boulevard. Quelques centaines de mètres au nord du Palais Royal. Voilà, qui va devenir le centre de Paris, le centre géographique, le centre aussi des plaisirs. Il y a une grande bascule comme ça du Palais Royal au boulevard où on va trouver les grands établissements. Effectivement, en suivant Balzac, on peut faire cette promenade gastronomique qui nous mène désormais au Café de Paris, au Café Anglais, au Rocher de Cancale, au Il aimait beaucoup le Rocher de Cancale. Voilà, le Rocher de Cancale, c'est presque l'évolution, je dirais, dans la géographie gastronomique. On passe du Palais Royal au Grand Boulevard, on est au milieu, hein. Voilà, rue Montorgueil. Et c'est vraiment le premier établissement qui va incarner cette translation géographique. Balzac dit que ces perfections du Rocher de Cancale ont été poussées si loin que la chair et les vins ont des qualités auxquelles ne pouvaient pas toujours atteindre les tablées les plus opulentes des princes et des rois. On voit vraiment la mutation séculaire. C'est une mutation qui concerne à la fois la géographie, les lieux, les grands cafés. On parle plus de cafés à ce moment-là, mais qui sont des cafés-restaurants, hein, avec par exemple les célèbres quenelles du Café Durand ou les glaces chez Tortoni. Et cette mutation, elle va aller jusqu'à l'accueil dans le restaurant de ce qui fait la diversité hein, du boulevard. Le boulevard, c'est une véritable mosaïque où tout coïncide, où tout se mêle, y compris des populations très étrangères l'une à l'autre. Bon, les riches et les pauvres sont sur le même endroit, alors que ce n'est pas le cas au Palais Royal. Hein. C'est au milieu du 19e siècle, plus exactement en 1855, que vont ouvrir les Bouillons. C'est un boucher Duval qui a l'idée du bouillon. Qu'est-ce que c'est que le bouillon? C'est un établissement qui, grâce à, je dirais, une première, ce qu'on pourrait appeler presque une sorte de taylorisation de la cuisine, va ouvrir souvent plusieurs établissements avec la même cuisine et va pouvoir casser les prix et accueillir une population socialement beaucoup plus diverse. C'est-à-dire que dans un bouillon, on va trouver aussi bien l'aristocratie, les élites d'autrefois, les élites bourgeoises qui aiment s'encanailler dans des lieux comme ça, et puis cette nouvelle population du boulevard, une sorte de coprésence qui va faire toute l'animation et toute l'ambiance des bouillons et le succès de ces lieux. Alors il faut entendre une ambiance, elle remonte à 1950. héritage des restaurants populaires apparus au XIXe siècle. C'est une interview du propriétaire du restaurant Le Marius, un reportage de Pierre Lerouzic du 18 février 1950. Vous allez voir, on passe d'Offenbach à une autre chanson. En arrivant au restaurant chez Marius, en face de la halle au vin, nous avons évidemment été accueillis par le chœur des clients satisfaits, qui est assez bruyant d'ailleurs comme chœur. Et comme nous avons Monsieur Mazot, qui est le patron près de nous et qui vient de rétablir un silence approximatif, nous allons lui demander si toujours ces séances chez lui se déroulent dans cette ambiance en général, très chic. Oui, en général ici, les clients sont très gais, n'est-ce pas? Dites-moi, alors voulez-vous que nous parlions cuisine? Si vous voulez, monsieur, avec plaisir. Car la musique n'est pas notre spécialité aujourd'hui. Comme de bien entendu. Alors, les spécialités, les vôtres, quelles sont-elles? Le homard à l'américaine, le coq au vin, les escargots de Bourgogne et les crêpes flambées du patron. Bon, oui. Et alors, vous me parliez tout à l'heure... les clients sont vraiment très gais. Vous me parliez tout à l'heure du coq au vin. Oui, naturellement. Est-ce que vous pouvez donner la recette? Avec plaisir. Vous prenez un coq d'une année environ, n'est-ce pas? Vous le coupez en six, vous le faites dorer au beurre. D'autre part, vous avez des petits oignons, des lardons et des champignons. Quand votre coq est bien doré, vous le mettez avec un peu de farine, vous mouillez avec un bon vin rouge, Beaujolais de préférence, un peu de bouillon pour finir le mouillement. Vous ajoutez les oignons, les lardons et vous laissez cuire une heure. Au dernier moment, vous ajoutez les champignons. Et bien, vous servez un coq au vin, parfait, je l'espère. Et c'est ce coq au vin qui réjouit l'homme à ce à point. À tous les clients, mais oui. Le coq, alors, et écoutons, le Beaujolais qui l'accompagne, surtout. Alors, écoutons le cœur des clients. C'est nous, mais il ne faut pas rouler le sous la table. Voir un petit coup, c'est agréable. Voir un petit coup, c'est nous. C'est ainsi qu'à partir du 19e siècle, Antoine de Bach... Le public des restaurants s'est élargi à l'ensemble de la population. La population, dans son ensemble, va pouvoir accéder à ce plaisir de la table à travers la grande diversité des restaurants. C'est ça qui est frappant dans un lieu comme Paris ou dans toutes les grandes villes ou petites villes de province. C'est l'hétérogénéité de ce qu'on peut manger, des prix, évidemment, qui vont permettre d'accueillir... Des populations très très différentes et qui à chaque fois dans le restaurant aussi se mêlent. C'est à la fois un lieu de hiérarchisation évidemment, mais aussi un lieu de rencontre. Le restaurant c'est quelque chose de très important au-delà de nous faire saliver comme cette recette du coq au vin. Et c'est une des choses importantes sur les chefs qui soient petit ou grand, hein, des restaurants, c'est cette sorte de trésor qu'ils ont de recettes, alors que certains rendent public en publiant les grands traités. On a des recettes d'Escoffier, par exemple, qui sont restées à travers les années, mais on a aussi des savoir-faire comme ça qui se passent de chef en chef dans les mêmes lieux. Et c'est vraiment la culture gastronomique par excellence. Vous citez Auguste Escoffier qui a été... Le premier cuisinier du monde, d'une certaine façon. Je voudrais que nous terminions cette émission consacrée à l'histoire des restaurants en France, et notamment à Paris, avec Auguste Escoffier. Dites-nous pourquoi il est si important, Antoine de Bach. Escoffier est le grand modernisateur de la cuisine, notamment avec son audace, hein, puisque c'est une véritable audace de chef de guerre. Chef de guerre de la cuisine. On parle de brigade d'ailleurs. Pourquoi? Voilà, on parle de brigade. C'est lui qui réorganise la cuisine sur le modèle militaire de la brigade. La brigade, c'est à la fois une forme de hiérarchisation très forte des relations à l'intérieur de la cuisine entre le chef, le sous-chef, les commis. Voilà, et on a une hiérarchisation très forte. Ah. Et puis surtout, on a une forme de répartition des tâches. Différente. Avant, c'était par plat et maintenant? On travaillait par grand moment, grande séquence du repas. Et maintenant, on travaille plutôt par type d'opération. Il y a cinq grandes opérations dans la réforme d'Escoffier. Hein. Tout ce qui est froid, le garde-manger, les œufs, les légumes chez l'entremetier, rôtir, griller, braiser les viandes pour le rôtisseur, le saucier qui s'occupe de toutes les sauces et le pâtissier de toutes les pâtes. Donc cette réorganisation de la cuisine va permettre de diviser par deux ou trois le temps de préparation d'un mets. On prend souvent l'exemple assez fameux des œufs au plat Meyerbeer, spécialité de d'Escoffier. Hein. Dans l'ancien temps, on mettait un quart d'heure à fabriquer, à pouvoir servir un œuf au plat Meyerbeer. Désormais, en 5 minutes, puisque en même temps vont travailler l'entremetier qui cuit les œufs, le rôtisseur qui rôtit les rognons et le saucier qui prépare la sauce aux truffes. Et le chef est celui qui lit tout ça au dernier moment. Et tout cela prend top chrono 5 minutes. Donc voilà une véritable réforme qui va permettre à Escoffier une efficacité évidemment dans son travail et lui permettre de faire des services à plusieurs centaines de couverts, et d'où l'importance de ce nouveau lieu qu'est le palace, hein, les grands palaces internationaux qu'il va fonder avec César Ritz. Parti de Nice et Ritz installe bien sûr le Grand Palace à Paris, à Londres, à New York, et là vont pouvoir manger en même temps parfois 400 couverts grâce à la grande réforme d'Escoffier. Et c'est lui aussi qui invente la pêche Melba que je propose à nos auditeurs et nos auditrices pour accompagner tout à l'heure leur coq au vin. Merci beaucoup Antoine Debac, vous avez offert à un large public gourmand un livre qui s'appelle La France gastronome, comment le restaurant est entré dans notre histoire. Vous avez eu tellement de succès qu'il est désormais en livre de poche chez Payot. Je voudrais aussi citer le livre de Florent Quélier, qu'il a dirigé dans la belle collection Belin que dirige Joël Cornette, Histoire de l'alimentation de la préhistoire à nos jours. Et puis, un autre champ de votre curiosité, Antoine Debac, c'est le cinéma. Vous venez de publier un tome 2 de votre Histoire caméra, Le cinéma est mort, vive le cinéma, dans la belle collection La bibliothèque illustrée des histoires. Et puis dites-nous ce à quoi vous travaillez. Je finis une biographie de Claude Chabrol, un grand, grand gastronome gourmet. Il n'y a pas un film sur les 57 longs-métrages de Chabrol sans une scène de repas ou de restaurant. Je me rappelle qu'au Festival international du film de Pessac, nous avions, très heureux, partagé avec lui une séance de dégustation du Haut-Brion. C'était pas mal. Je parlais de l'inscription du repas gastronomique à la française au patrimoine immatériel de l'humanité, à l'UNESCO. Il faut rendre hommage à l'Institut européen d'histoire et de culture de l'alimentation qui y a largement contribué. Il a été fondé en 2001 à l'initiative de Jack Lang, et son directeur remarquable est Francis Chevrier. C'est lui aussi qui veille au destin des rendez-vous de l'histoire de Blois. J'ajoute enfin que dès demain, vous pourrez retrouver la très belle émission de Caroline Brouet, les bonnes choses, une émission vraiment goûteuse, spirituelle, savoureuse, roborative, c'est à midi. Et elle traitera spécifiquement de la réouverture des restaurants. Samedi prochain, autre actualité évidente, nous parlerons des préfets, puisque leur corps est en passe d'être supprimé. Être préfet, jadis et naguère, avec Pierre Carilla Cohen, qui vient de leur consacrer un livre important. Lundi matin, vous retrouverez le cours de l'histoire de Xavier Mauduit qui consacrera sa semaine, décidément, à l'alcool. Buvons ensemble, histoire d'alcool. Je lui en laisse la responsabilité. La poularde était de taille, elle venait du Mans. Tu dieu la belle volaille et quel contour charmant. D'un beau jaune, elle était peinte, nous la mangeions des yeux. En nous versant une pinte d'un chambertin très vieux. La bonne poularde, le bois d'air à goût. Ah, pourvu qu'on en garde un petit morceau pour nous. La bonne poularde, le roi d'air à goût. Ah, pourvu qu'on garde un petit morceau pour nous. Et sur un extrait de l'opérette La Créole de Jacques Offenbach, La Poularde, je vous rappelle que vous venez d'entendre Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet, préparé par Jeanne Guéroux et réalisé par Yaël Mandelbaum, avec Yves Lehorse à la prise de son, François Merlin à la discothèque et Hervé Evano pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Et dans quelques instants, Christine Ockrent avec son émission Affaires étrangères. La bonne poularde, le roi d'air à goût. Ah, pourvu qu'on en garde un petit morceau pour nous. La bonne poularde, le roi d'air à goût. Ah, pourvu qu'on garde un petit morceau pour nous.